إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on continue dans notre explication encore une fois du livre Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, et c'est le livre du Cheikh Abu Othman Ismail al-Sabouni. Et on a fait dans le passage qui a précédé une section qui expliquait les principes de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a en ce qui concerne al-Qada ou al-Qadar, la prédestination. Et donc on a complété ces chapitres. Maintenant on rentre dans la suite de ce qui suit dans le livre, c'est Awaqib al-Ibad Mubhama. Ok, Awaqib al-Ibad Mubhama. C'est-à-dire la conclusion la destination des serviteurs, comment ils vont terminer leur vie. Et ça, personne ne le sait. Personne ne peut le savoir. C'est-à-dire, personne ne peut savoir est-ce que quelqu'un va être parmi les gens de l'enfer ou parmi les gens du paradis. On va expliquer les détails de cette question-là. Le Cheikh dit « Wa ya'taqidu wa yashhadu ashabu al-hadith an awaqib al-ibad mubhama la yudra ahadun bima yukhtamu lahu wa la yahkumuna li wahidin bi'aynihi annahu min ahli al-jannah wa la yahkumuna ala ahadin bi'aynihi أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أو على كفر أم على كفر ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. Donc le Cheikh dit que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Ashab al-Hadith, ils croient et ils témoignent que la fin des serviteurs, c'est-à-dire la fin, la destination des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est cachée, elle n'est pas connue, elle n'est pas révélée en fait, on ne la connaît pas. Personne ne sait sur quoi il va terminer sa vie. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on n'a pas le droit de juger à propos d'un individu en particulier qu'il sera des gens du paradis, et on n'a pas le droit non plus de juger à propos d'un individu en particulier qu'il sera parmi les gens de l'enfer, parce que ça c'est quelque chose qui est caché de nous, ça nous est caché, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître, hein. Ils ne savent pas dans quelle situation mourra une personne. Est-ce qu'il mourra sur l'islam ou est-ce qu'il mourra sur le kufr, sur la mécréance. Et donc c'est pour ça qu'on dit, nous sommes musulmans si Allah le veut, Inch'Allah. Et min al-mu'minin, c'est-à-dire quand ils disent, nous sommes musulmans si Dieu le veut, c'est-à-dire qu'on est musulmans, من المؤمنين الذين يختم لهم بخير. Ça veut dire, quand tu dis on est musulman inshallah, ça veut pas dire que tu es pas certain que tu es un musulman. Ça ne veut pas dire que tu as un doute que tu es musulman. Ça veut seulement dire que tu ne sais pas est-ce que tu vas être parmi les musulmans qui auront une bonne fin ou non. Parce que tu ne sais pas dans quel état tu vas mourir. Hein? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire un tel il va au paradis ou un tel il va en enfer. Parce que c'est quelque chose qui est caché pour nous, c'est-à-dire on ne peut pas savoir comment cette personne va terminer sa vie. D'accord? Ça, c'est un des principes, parmi les principes d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et donc ça implique également qu'on ne va pas dire à propos d'une personne, un tel est shahid. Des fois, on entend par exemple parmi les musulmans qui mentionnent, ils parlent d'une personne, ils disent, ah, un tel c'est le shahid. On n'a pas le droit de dire qu'il est shahid, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait dans son cœur lorsqu'il est mort? Est-ce que Allah va accepter son shahada ou non? Dans le sens, est-ce qu'il va accepter le fait, pour la cause pour laquelle son intention, est-ce qu'elle était sincère lorsqu'il est mort dans, soi-disant, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc on ne peut pas dire avec certitude qu'une personne est shahid. Toutefois, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire « Ahsibuhu kadhalik wa la uzakki ala Allahi ahada » C'est-à-dire, je pense qu'il est mort, shahid, mais je ne peux pas, je ne peux pas glorifier ou vanter une personne par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala et dire qu'elle est correcte. Et qu'elle est morte d'une façon correcte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît seulement la réalité de l'état de son cœur et la réalité de sa sincérité au moment de sa mort. Donc, c'est ça. On souhaite pour cette personne qui est morte dans la cause d'Allah qu'il sera parmi les shuhada. On espère ça pour lui. Toutefois, on ne peut pas le dire avec certitude et le confirmer avec certitude. Le Cheikh il dit وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ. C'est pour encore rajouter encore plus de détails à ce sujet-là. Le Cheikh il parle de ce sujet-là dans le fait de témoigner au sujet d'une personne qui est morte sur quelque chose. Il dit وَيَشْهَدُونَ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ عَاقِبَتَهُ الْجَنَّةِ فَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَ الْقَضَى عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. الشيخ الزيكر. On doit témoigner d'une façon générale, parce que le cas qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est un cas spécifique. C'est-à-dire, on parle d'un individu en particulier. On n'a pas le droit de spécifier un tel est au paradis, un tel est en enfer. Mais d'une façon générale, on dit que celui qui est mort sur l'islam, sa destination c'est le paradis. Soit qu'il rentre direct au paradis, parce qu'il a été sauvé des péchés et du shirk et toutes les formes de bid'ah et de péchés, ou bien soit qu'il rentre en enfer pour une certaine période et puis qu'il sorte par la suite et qu'il rentre au paradis parce qu'il a la base du tawhid mais il a fait certains péchés qui ont fait qu'il méritait d'être puni d'une certaine façon, comme on a expliqué ça dans les cours précédents. Donc le cheikh il dit que celui qui est mort sur l'islam, sa destination et sa conclusion sera le paradis. Et si ceux qui sont morts sur l'islam rentrent en enfer pour une certaine période de temps à cause des péchés qu'ils ont faits, et qu'ils sont morts sur ces péchés-là, dans le sens qu'ils ne se sont pas repentis de ces péchés-là avant de mourir, eh bien, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer si Allah décide de les faire rentrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la base de l'islam. C'est-à-dire, ils ont l'islam et en plus, ils ont compris, ils ont évité le shirk. Ça veut dire que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut pour les autres péchés. Hein, les autres péchés parmi les kaba'ir ou les sara'ir ou les autres formes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne de ces péchés-là à qui il veut, mais pas le shirk. Et il dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَنْ لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui a rendu le paradis haram. Le paradis est haram pour lui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jamais rentrer au paradis s'il a fait ash-shirk billah. D'accord? Et sa destination sera l'enfer, et qu'elle est pour les injustes, aucun secours, hein, aucune personne pour les secourir. Et il y a des versets aussi qui montrent que toute personne qui commet un acte de shirk, ça annule et ça rend ses actions nulles, hein, vaines. Leurs actions n'auront plus aucune valeur. Et le cheikh il dit: de la même façon que celui qui meurt sur le kufr, d'une façon générale, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de dire qu'un individu en particulier, hein, est en enfer parmi les musulmans. D'accord? Un individu, on n'a pas le droit de dire: ah, lui, toi tu vas aller en enfer, ou toi tu es en enfer, ou lui il est en enfer. D'accord? Mais celui qui meurt, et qu'Allah nous en protège, sur la mécréance, eh bien, en général, on dit que sa destination, c'est le feu de l'enfer, et il n'en sera pas sauvé. Hein? Et il ne terminera jamais, c'est-à-dire son châtiment ne terminera jamais dans l'enfer. Celui qui est mort en ayant commis le shirk, ou en ayant commis le kufr, et qui ne s'est pas repenti, eh bien, lui, s'il meurt dans le shirk, ou il meurt sur une forme de kufr quelconque, eh bien, il rentre en enfer et il reste pour l'éternité en enfer, et il n'en sera jamais sauvé, et ça ne cessera jamais pour lui, ce châtiment-là. Que Allah nous protège de ces exemples de shirk et de kufr. Amin. Donc, ça c'est les cas qu'on peut dire, par exemple, en général, quelqu'un qui meurt, un chrétien, il meurt dans le christianisme, un juif, il meurt dans le judaïsme, un bouddhiste, il meurt dans le bouddhisme, ou n'importe quelle autre forme de shirk, même s'il dit par exemple qu'il est musulman, mais il meurt en pratiquant des formes de shirk, comme adorer les tombes, faire le tawaf, sacrifier pour les morts, invoquer les morts, ou des trucs de ce genre. Et bien ça, cette personne-là qui meurt sur cette forme de shirk, hein, et bien lui, on peut dire que lui, sa destination c'est l'enfer, s'il ne s'est pas repenti de ça avant sa mort. Et ça, c'est des exemples généraux. D'accord? Mais toutefois, un musulman qui est mort sans commettre de shirk ou sans faire de kufr, eh bien, celui-là, on ne peut pas dire qu'il est en enfer, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, quoi d'autre encore? Le prochain point, le cheikh, il parle des. Pour compléter encore une fois ce sujet, pour ajouter encore plus de clarification, le cheikh il parle ensuite de Al-Mubashirun Abil-Jannah, les gens qui ont été, à qui on a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis durant leur vie. Ça c'est-à-dire les gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet: tu seras au paradis. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là? Le cheikh il dit: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنه من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Okay. Donc là le cheikh il explique, il dit comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'un musulman est au paradis. Hein? On ne peut pas dire avec certitude qu'un musulman est au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de certaines personnes ou certaines catégories de personnes, celui qui meurt de telle, telle façon, il est shahid. Ou si quelqu'un meurt en ayant accompli telle, telle action, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en ayant commis telle, telle chose, ouais, celui qui est mort de telle, telle façon, il sera shahid. Comme par exemple, من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون يعني عرضه فهو شهيد etc. Celui qui est mort en défendant ses biens ou en défendant son honneur ou en défendant يعني sa personne, il est shahid. Ça c'est des exemples de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils seront des shuhada, qu'ils seront des martyrs. Hein? Et on connaît la récompense du martyr, hein, c'est qu'ils seront dans le plus haut niveau dans le paradis. D'accord? Toutefois, ça c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en général, mais on ne peut pas l'appliquer à une personne en particulier, excepté si on a une preuve venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, excepté si, on ne peut pas le dire à propos d'un individu en particulier, excepté si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit à propos de cet individu-là en particulier. D'accord? Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné pour certains d'entre ses compagnons qu'il serait au paradis, qu'il serait parmi les gens du paradis. Et les gens du hadith, ashab al-hadith, c'est-à-dire les gens qui suivent le Coran et la Sunna, Ahlus Sunnati wal Jama'a, eux, ils témoignent de ça. Hein? Pourquoi ils témoignent de ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé et ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, et il leur a promis une chose pareille, il leur a promis qu'il serait au paradis. Donc celui qui ne témoigne pas du paradis pour ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant parmi ceux qui seront au paradis, hein, et bien c'est comme s'il a rejeté en fait une information qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que ces sahabas-là allaient être au paradis, il ne le dit pas excepté que parce que Allah lui a informé de ça. C'est-à-dire Allah l'a informé que ces individus-là seraient parmi ceux qui seraient au paradis, et il ne l'a pas su de lui-même. C'est pas lui qui a décidé de ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui informe de ça. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas al-ghayb, il ne connaît pas l'invisible. Certains, parmi les gens de dalal, comme par exemple les soufis, ils prétendent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que certains parmi les awliya et les hommes qui sont parmi les gens pieux et vertueux, connaissent l'invisible, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est contraire à ce qui est écrit dans le Coran. Personne ne connaît al-ghayb, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne l'exemple que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su de ce qui fait partie du ghaib, de l'invisible, c'est uniquement une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait au prophète. Hein? Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit lui-même dans plusieurs versets. Allah a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib. Comme par exemple, Allah dit « alimul ghaib », c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est « alimul ghaib », celui qui connaît l'invisible. فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول. C'est-à-dire, celui qui connaît le ghaib, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne laisse personne connaître qu'est-ce qu'il a caché, wa alaykum salam wa rahmatullah, excepté celui qu'il a agréé parmi les messagers, comme messager. Donc à certains messagers, Allah fait connaître certains aspects du ghaib, pas tout le ghaib, mais certains aspects du ghaib. Hein? C'est pour ça qu'on rejette les exemples d'extrémisme et d'exagération que certains parmi les soufis, par exemple, attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils disent, par exemple, dans la qasida de Al-Burda, qu'ils ont écrit, ils disent, wa inna min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de qu'est-ce qui est dans al-lawh al-mahfouz et qu'est-ce qui a été écrit par la plume, par Allah subhanahu wa ta'ala, de qu'est-ce qui a été prédestiné et décrété des destinées de la création. Et ça, c'est d'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les connaissances de l'invisible. Et ça, il n'y a pas de doute que ça rentre dans une des formes de shirk dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne partage, alaykoum salam wa rahmatullah, personne ne partage les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne les partage. Donc, le cheikh il continue en disant وَقَدْ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِهِ بِالْجَنَّةِ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانُ وَعَلِي وَطَلْحَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وَسَعَدْ وَسَعِيدْ وَأَبُو عُبَيْدَةِ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَكَذَلِكَ قَالَ لِثَابِتٍ بْنُ قَيْسٍ ابْنُ شَمَّاسِ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وقال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que 10 parmi ses compagnons seraient dans le paradis, et ils sont Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et Talha et Zubayr et Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Jubayr, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est Sa'id ibn Jubayr, et ibn Zayd, non c'est ça, Sa'd, c'est Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayd. C'est pas Saïd ibn Jubayr, je m'excuse. Saïd ibn Jubayr, si je ne me trompe pas, c'était un tabi'i. Et puis il dit Abu Ubaida ibn al-Jarrah, c'est un des grands sahaba. Aminu hadihi al-Umma. Donc, ça c'est les 10, parmi les 10 qui ont été promis le paradis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y en a d'autres aussi qui ont été annoncés le paradis. Comme par exemple Bilal ibn Rabah, le professeur Hassan a dit à son sujet, j'ai entendu tes pas dans le paradis. Il a dit ça à Bilal. Et il a dit aussi à propos d'un autre sahabi, ça le cheikh ne l'a pas mentionné, le nom de Bilal, mais c'est pour dire qu'il y a aussi d'autres noms de sahabi qui ont été annoncés, qui ont été promis au paradis, ou qu'on leur a annoncé qu'ils seraient au paradis, et qu'ils ne sont pas mentionnés des fois dans certains livres. Mais comme par exemple le cheikh il a mentionné, parce que souvent on dit al-ashra al-mubashirina bil jannah, et souvent on pense qu'il y en a seulement que 10, puis quand on regarde dans certains hadiths des fois on remarque qu'il y en a d'autres également, c'est pas seulement 10, mais les plus connus parmi eux sont ces 10 là, d'accord. Et le cheikh il dit que parmi eux il y avait Thabit ibn Qais ibn Shammas, et lui aussi faisait partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'il serait au paradis. Également Ukasha ibn Mihsan, parce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah de faire que je sois parmi les 70 000 qui rentrent au paradis sans châtiment ni jugement. Et il a dit Anta minhum. Donc ça aussi ça implique qu'il est promis d'une certaine façon au paradis. Et Thabit ibn Qais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il était parmi les gens du paradis également. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire à ce sujet-là, mais c'est que c'est à propos du verset qui interdisait aux croyants d'élever leur voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et na'am. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. Donc quand le sahabi en question a entendu ce verset là, il a eu peur que ses actions soient annulées, comme c'est mentionné dans le verset dans sourate Al-Hujurat. Alors il s'est enfermé chez lui, il n'est plus sorti après ce jour là par peur d'être en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de parler en sa présence, parce qu'il avait une voix forte. Alors, quand il a entendu ça, ça vous montre comment les sahaba, aussitôt qu'ils entendaient quelque chose du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils voulaient tout de suite la mettre en pratique. Ils voulaient tout de suite l'appliquer. et se soumettre à ce verset-là. C'est pas juste quelque chose qu'il entendait comme un verset, et puis il ne prenait pas en considération sa signification et pour le mettre en pratique. C'était pas un livre juste de récitation ou de théorie, mais c'était un livre d'application. Il vivait selon ce livre. Donc, aussitôt qu'ils entendaient quelque chose, ils voulaient tout de suite l'appliquer. Hein? Comme l'exemple des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les maris de ces femmes-là sont venus avec le verset du hijab, hein? Le verset qui leur expliquait comment porter le hijab, le jilbab et tout ça, le khimar. Eh bien, les hommes rentraient chez eux avec ce verset-là et ils le récitaient à leurs femmes, et les femmes, tout de suite, elles prenaient des morceaux de tissu, puis elles se couvrait avec, le lendemain matin, pas deux semaines après, pas un mois après, le lendemain matin, ils ont dit, les femmes venaient à la mosquée avec comme si elles avaient des corbeaux sur leur tête, hein, parce qu'elles étaient couvertes avec un drap. C'est pas comme si, comme souvent des sœurs aujourd'hui, qu'elles se disent, je suis pas encore prête, je suis pas encore convaincue, hein, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans. Les femmes des sahabiyats, elles entendaient le verset automatiquement, application. Ce sahabi, il entend ce verset, « An tahbata a'malakum antum la tash'urun » que vos actions soient annulées alors que vous ne vous en aperceviez pas ou que vous n'en soyez pas conscient. Automatiquement, il entend ce verset-là, il dit, « Ah, moi, quand je parle, j'ai une grosse voix. Peut-être que je vais être parmi les gens qui font partie de ce verset-là. » Hein? Il a eu peur. Et donc, il est resté chez lui pendant combien de temps? Et là, le prophète a remarqué son absence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a remarqué son absence. Et donc, il a dit, qu'est-ce qui se passe avec Thabit ibn Qais? On ne le voit plus. Hein? Il est disparu. C'est comme si on ne le voit plus depuis plusieurs jours. Alors, il a envoyé un sahabi pour aller voir chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa femme a informé le sahabi que il avait eu peur de ce verset-là, puis qu'il s'était enfermé chez lui. Le sahabi est retourné pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la raison de son absence, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis-lui qu'il est dans le paradis. Hein? Subhanallah. Donc, ça c'est pour dire que, yani, lui, Thabit ibn Qais, il avait une voix qui était grave, qui était forte par nature. Il ne faisait pas exprès pour parler plus fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour disons opposer l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait cette voix-là qui était une voix forte par nature, et donc il ne faisait pas partie des gens qui rentrent dans le verset de ceux qui élèvent la voix par-dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il était parmi les gens du paradis. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit, il marchait parmi nous, et nous on disait, il est parmi les gens du paradis. Hein? Imaginez un homme promis au paradis qui marche devant vous. Vous êtes en train de regarder un homme qui marche parmi vous, et c'est un homme du paradis. C'est yani, vraiment déjà, juste à penser à ça, yani, c'est déjà suffisamment émouvant, yani, pour comprendre et réaliser tout ce que ça peut impliquer. Hein? Le cheikh, il dit par la suite, « Afdal al-sahaba wa khilafatahu » Les meilleurs parmi les sahaba et leur khilafa, ou bien les khulafa parmi eux. Cheikh il dit, « Wa yashhaduna wa ya'taqiduna, ahl sunna wal jama'a, yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdal ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, wa annahum ahlul khulafa, wa annahum humul khulafa al-rashiduna, الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة. Après il dit, ثم قال امسك خلافة امسك wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان 22 وعلي 6 وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضود على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il explique ici que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils témoignent et ils croient que les meilleurs sahaba, parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum, ajma'in. Donc ces quatre-là sont les khulafa al-rashidin qui sont mentionnés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui parle de leur khilafa. Qui est rapporté par Saïd ibn Jamhan, selon Safina. Et ça dit quoi ce hadith-là? Que les khulafa après moi sont pendant 30 ans. Il y aura un khilafa pendant 30 ans. Et d'après ce qui est écrit ici dans le tahqiq du Cheikh, il dit Qultu isnaduhu Hassan wa lahu shahidan. Il dit qu'il y a deux témoins pour ce hadith et que son isnad est Hassan. Et il mentionne de retourner voir le tahrij de ces deux hadiths-là dans les notes du Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith 459. Oui, donc il dit quoi? Il dit que le khilafa sera dans 30 ans après moi. Il y aura le khilafa 30 ans après moi. Et il a dit que le khilafa de Abu Bakr a pris 2 ans, le khilafa de Omar a pris 10 ans, donc ça fait 12, le khilafa de Othman a pris 12 ans, donc 12 plus 12 ça fait 24, et le khilafa de Ali a fait 6 ans, donc en tout ça fait 30. C'est ça ce que le cheikh a expliqué. Il dit, et ensuite, à la fin de ces jours-là, à la fin de ça, eh bien, c'est revenu à Al-Mulk. C'est-à-dire, par la suite, c'était des rois qui ont pris la dirigeance et le pouvoir dans la Ummah. Alama akhbara, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Comme ça a été mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuthbitu ashabu al-hadith, khilafata Abi Bakr radiyallahu anhu. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين وفرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور الدنيانا. Donc le cheikh il mentionne ce chapitre et le chapitre qui a précédé c'est pour en même temps réfuter les rawafid, al-rafida, parmi les shi'a qui accusent les sahaba et qui les insultent et qui les traite de toutes sortes d'insultes, comme j'ai dit tout à l'heure, il les traite de kufr. Ils disent que parmi les sahaba, il y en a seulement 3 ou 4 ou 5 qui sont mu'minines, le reste, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont tous devenus kuffar. Parce qu'ils ont inventé des mensonges au sujet des sahaba. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, avait promis le khilafa à Ali ibn Abi Talib, et qu'il avait annoncé ça à tous les sahaba. Et qu'après sa mort, ils ont tous trahi et contredit son commandement, et donc ils sont, selon les rafidats, tous devenus des koufars, excepté quelques-uns d'entre eux. Et donc ils prétendent qu'ils aiment Ahlul Bayt et qu'ils veulent défendre les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils veulent les défendre du reste des sahaba. Et ils ont inventé une sorte d'animosité et de haine imaginaire, soi-disant, entre les sahaba et les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette animosité-là ou cette opposition-là, en réalité, elle n'a aucune vérité. Elle n'a aucune réalité dans les faits. Hein? Et il y a beaucoup d'exemples et de preuves de ça si on retourne dans les faits historiques et tout ça. Toutefois, eux, c'est des gens qui sont connus comme étant des gens qui aiment inventer des mensonges. D'accord? Ils sont connus pour ça. Donc, c'est parmi les gens les plus menteurs en ce qui concerne les groupes et les sectes qui s'attribuent à l'islam. Donc, le cheikh, il a voulu faire comprendre que les meilleurs parmi les sahaba, c'est les khulafa al-rashidin, en commençant par Abu Bakr et Omar et Othman et Ali. Toutefois, pour les rawafid, Abu Bakr et Omar sont considérés comme étant des kuffars. Hein? Donc, les meilleurs de notre ummah, pour eux, sont considérés comme étant des yani kuffar. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés et a dit qu'il était satisfait d'eux dans le Coran, dans plusieurs versets, il mentionne, il dit radiallahu anhum wa radu anhum. Hein? Qu'il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, mais eux refusent d'être satisfaits d'eux. Yani. Donc ils s'opposent au Coran. Et on va voir beaucoup d'exemples de ça plus tard, inshallah. Maintenant, les gens de Ashab al-Hadith, les gens qui suivent Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et la Aqida des Salaf de cette Ummah, eh bien, ils affirment que le premier Khalifa, celui qui a succédé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Et ils disent que il a été choisi par les sahaba à l'unanimité. Ils ont tous été d'accord pour le choisir comme successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, les sahaba ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été satisfait de lui pour notre religion. Alors nous, on est satisfait de lui pour notre dunya. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Comme le cheikh explique, ils disent que ça veut dire que lorsqu'il était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers jours de sa vie, lorsqu'il était malade, il a désigné Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, comme celui qui devait diriger les musulmans dans la prière durant le temps qu'il était malade. Et donc ça, c'était une indication claire aux sahaba pour dire, regardez, c'est lui qui doit être votre successeur après moi. C'est lui qui doit diriger les affaires de la Ummah après mon départ. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance pour qu'il vous dirige dans la prière. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, les sahaba ont dit, si c'est le cas, donc on est satisfait de lui comme successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos affaires pour notre dunya. Ok? Donc ça, c'est un exemple que le cheikh mentionne pour faire comprendre le niveau et le degré et pourquoi on a choisi Abu Bakr comme premier khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres preuves et beaucoup d'autres exemples qui sont mentionnés dans les livres par les ulama. Mais il s'est limité à mentionner cet exemple-là. Après, le cheikh dit, وَقَوْلُهُمْ قَدَّمَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُؤَخِّرُكَ وَأَرَادَ أَنَّهُ قَدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدَّمَكَ فِي الصَّلَاةِ في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. Donc c'est ça l'exemple, c'est le même que ce que je viens de mentionner tout à l'heure au sujet du fait que il a été mis de l'avant durant la prière, durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que ce soit lui qui dirige la prière, et même que Aïcha radiallahu anha, qui est la fille d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, Elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé que Abu Bakr soit celui qui les dirige dans la prière, hein, faites que Abu Bakr dirige les gens dans la prière. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, Ya Rasulullah, si c'est mon père qui va guider la prière, si c'est Abu Bakr, hein, il pleure tellement qu'on n'arrive même plus à entendre et à comprendre la récitation qu'il fait du Coran, dans la prière. Alors, demande à Omar ibn Khattab qu'il guide la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, encore une fois, non, dites Abu Bakr. Elle aussi, Aïcha radiallahu anha, elle a essayé de s'objecter d'une certaine façon pour dire non, il pleure beaucoup, etc., des choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté encore une fois et il a dit, vous êtes comme les compagnes de Youssef, c'est-à-dire les femmes à l'époque de Youssef qui ont voulu faire la fitna à Youssef. Hein, il a donné cet exemple-là pour dire, yani, qu'il ne faut pas vous opposer à ma décision lorsque j'ai pris ma décision. Et certains parmi les ulamas ont expliqué que Aïcha radiallahu anha, elle a insisté de cette façon, c'est pour faire comprendre en même temps, c'est pour montrer que c'était pas n'importe quelle décision, c'était une décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris avec une conviction et avec certitude, yani, pour qu'il n'y ait pas de doute par la suite, pour dire ah mais il a demandé seulement comme ça, non, il a insisté. Et donc c'est pas comme s'il avait juste demandé la chose de cette façon-là, mais il a insisté plusieurs fois. Non. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh dit wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatakallamu fi sha'n Abi Bakr fi hal hayatihi bima yubayyin lis sahabati annahu ahaqqu an-nas bil khilafati ba'dahu. Fa lidhalika ittafaqu alayhi wa ijtama'u فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له ما يا أبا هريرة ما تقول قال بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به فصدقوا به وأقروا به. Donc le cheikh il mentionne un autre exemple qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette façon au sujet d'Abu Bakr radiallahu anhu durant sa vie et qu'il a fait comprendre aux sahaba l'importance du droit qu'il avait et que c'était lui la personne la mieux placée et qui méritait le plus d'être le khalifa après lui, hein? Et donc les sahabes se sont tous mis d'accord et ils ont été d'accord pour le choisir et en fait ils ont bénéficié de son statut et ils ont été élevés grâce à ça et à cause de lui. Et donc Abu Huraira, il disait parfois, par celui que nul ne méritait d'être adoré en dehors de lui, si ce n'était pas de Abu Bakr qui avait été pris comme successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'aurait plus été adoré par la suite. Et les gens ont demandé, oh Abu Huraira, pourquoi tu dis une chose pareille? Qu'est-ce que tu dis? Et supposément, le cheikh il dit qu'il a établi les preuves et les arguments pour défendre cette parole et les gens ont cru en ce qu'il avait dit et ils l'ont confirmé. Toutefois, les arguments en question, le cheikh ne les a pas mentionnés, mais toutefois, il y a beaucoup de preuves dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent le niveau et le statut de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Par exemple, le fait qu'il a dit à son sujet que si on pesait la foi de Abu Bakr radiallahu anhu et la foi de toute la Ummah, eh bien la foi de Abu Bakr al-Siddiq aurait le dessus sur la foi, hein, de toute la Ummah. Également, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a raconté ou lorsqu'il disait aux sahaba qu'il y aura une porte dans le, pour entrer au paradis pour le jeûneur et une porte pour celui qui a fait le sadaqa et une porte pour celui etc. Il y en a pour différents, selon les différentes formes de ibadah ou de hasanat. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulullah, est-ce qu'il y aura des gens qui vont être appelés à rentrer de toutes ces portes? Parce qu'il y aura quelqu'un qui va appeler les gens à rentrer dans la porte par laquelle il a fait beaucoup d'efforts dans une adoration en question, par exemple, si c'est le jeûne, hein, ou le sadaqa ou zakat, ou n'importe quelle autre ibadah, comme par exemple visiter les malades ou d'autres choses de ce genre, si je me souviens bien, Yanni. Et Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr: oui, il y en aura des gens qui vont être appelés de toutes ces portes, et je souhaite que toi tu sois un d'entre eux, hein, ou bien je pense que tu seras un d'entre eux. Donc, comme a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est un exemple, et il y a beaucoup d'autres encore, du fait qu'il était le premier parmi les hommes qui a accepté l'islam, et que c'était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis même avant l'islam, et il avait la même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam environ. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'il n'avait jamais associé rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, même avant l'islam. Il était parmi les hunafa. Donc il y a beaucoup de fawa'id et de beaucoup de manaqib, comme on dit. Même qu'il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour être son compagnon durant la hijra, hein. Et beaucoup d'autres choses aussi qui montrent le mérite d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite le cheikh dit: thumma خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليكم السلام باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ووعده. Donc le cheikh il dit que par la suite il y a eu le khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hein, wa ardahu, qu'Allah soit satisfait de lui et qu'il soit satisfait d'Allah. Il dit que il a été choisi par Abu Bakr. Après lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu allait mourir, il a désigné Omar ibn al-Khattab pour qu'il soit son successeur. D'accord? Et les sahaba par la suite ont tous été d'accord après lui pour que ce soit lui le khalifa, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien connu que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, hein, la position et le statut de Omar, et que par Omar Allah a élevé, a fait monter la puissance et la force de l'islam, parce qu'il était un homme connu pour sa force, hein, et son caractère. Ensuite le cheikh dit: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. Le cheikh il dit que par la suite il y a eu le Uthman qui a pris al khilafa, qui a pris la succession, et ça c'était selon le consensus des gens qui ont participé à la shura à cette époque-là, et le consensus des sahaba en entier, qui ont tous été satisfaits de Uthman ibn Affan, jusqu'à ce qu'il, hein, soit celui qui a pris ou reçu le khilafa. C'est-à-dire que lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est décédé, ou avant qu'il meure, il a désigné 10 personnes aux sahaba. Il a dit: voici le nom de 10 personnes, et c'est les 10 parmi les 10 qui sont les Mubashirin Abul Jannah qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc il a mentionné ces 10 là, il a dit: choisissez d'entre eux n'importe lequel pour être votre khalifa. Et bien ils ont choisi Uthman ibn Affan. Et donc c'est comme ça qu'il a été choisi comme étant le khalifa après après Uthman. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. Le Cheikh il dit que ensuite il y a eu la khilafa de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et que les sahaba ont fait la bay'a à Ali radiyallahu anhu lorsqu'ils ont vu en lui les qualités qui font qu'il est parmi les meilleures personnes, ou que c'était la meilleure personne de son époque pour cette position là, et que c'est lui qui méritait le plus d'être le khalifa à ce moment là. Et donc ils l'ont choisi et ils ont considéré qu'il n'était plus permis pour eux de désobéir à son commandement et de faire le contraire de ce qu'il disait, bien entendu excepté si il ordonnait quelque chose de haram, comme on a connu ça dans le prophète, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous interdit d'obéir aux dirigeants dans le péché. Bon, ça c'est l'exemple des quatre khulafa que le cheikh a mentionné. Après le cheikh dit: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين كبت الإلحاد وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم ببهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله تعالى: والذين آمنوا معه والذين وقوله تعالى: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. Donc le cheikh il explique par la suite que ces quatre khulafa al-Rashidun, Allah subhanahu wa ta'ala a fait rendre victorieuse sa religion par ceux-là. Hein, ils ont détruit, ils ont écrasé l'ilhad, la mécréance, les déviations. Hein, et il les a rendus victorieux et il leur a donné le dessus sur tous les mulhidin et tous les gens qui ont rejeté la foi et qui ont dévié la parole d'Allah, ou rejeté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé l'islam par leur position et par leur statut. Et il a élevé la vérité durant le temps qu'ils étaient au pouvoir. Et il a illuminé, par leur lumière, l'obscurité et les ténèbres qui régnaient à cette époque dans le monde. Et donc, il a réalisé, il a fait réaliser par leur khilafa, par le fait qu'ils ont été au pouvoir, qu'ils étaient khilafa à cette époque, Allah a réalisé sa promesse qu'il avait faite aux mu'minin dans le verset 55 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a promis aux croyants parmi vous qui font les bonnes œuvres, qu'il allait les faire succéder, qu'il allait leur donner la succession sur la terre, comme il avait donné la succession à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait établir pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait leur changer leur situation, en sécurité après qu'ils aient été après qu'ils aient eu la crainte ou la peur. وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار. Ça, c'est un autre verset dans Surat al-Fath, le verset 29. C'est le dernier verset dans Surat al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, il dit, Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les sahaba, sont durs avec les kuffars et sont miséricordieux entre eux. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala plus loin dise, comme une pousse qui sort de sa terre, une graine, une plante qui commence à pousser, elle sort de la terre, hein, et elle se raffermit, et elle se redresse, hein, elle se tient droite sur sa tige, et elle éblouit les cultivateurs, et elle met la colère et la haine dans le cœur des kuffars. Mm-hmm. Donc, en parlant des sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala compare les sahaba à une plante qui pousse, yani, et qui éblouit les cultivateurs, mais qui enrage les kuffars. Et les ulama comme l'imam Malik, par exemple, hein, rahimahullah, il a utilisé ce verset-là pour dire que quiconque détestait les sahaba, eh bien, il fait partie des kuffars. Parce que Allah a dit, il y a rida bihim al-kuffar. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette la, yani, rende les kuffars en colère par eux. Et donc, si celui qui les déteste ou celui qui a de la haine dans son cœur contre eux, eh bien, il rentre dans ce verset-là. C'est-à-dire, il rentre parmi ceux qui sont les kuffars. Donc, il y a ça. Puis, yani, il y a beaucoup d'autres versets aussi qui montrent le mérite des sahaba. Donc, alhamdoulilah, on voit comment l'exemple des khulafa et l'exemple des quatre khulafa rachidines, comment ils ont été désignés ou choisis à leur époque, etc. Et comment tout ça, ça a été fait selon les règles de l'islam, le Coran et la Sunna, etc. Et comment ils avaient une grande position et un grand statut, contrairement aux rafidah. Et comme le cheikh il dit par exemple, il mentionne, il parle des rafidah, il dit « Fahum yukaffiruna kulla sahaba ». Il déclare que les sahaba sont tous des kuffars. Donc ça c'est un exemple de leur égarement. Et eux ils disent que celui qui dit que Abu Bakr et Omar et Othman, c'est eux qui ont été les khulafa en premier, sont des kuffars aussi. C'est-à-dire pour eux, tout musulman qui ne dit pas Ali était le premier qui devait être le khalifa, pour eux c'est un kafir. Parce que pour eux, la question de l'wilaya, celui qui devait succéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la base de l'islam pour eux. C'est le plus important dans la religion de l'islam. Et donc celui pour eux qui ne croit pas que Ali c'était le successeur direct après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il est kafir. C'est ça la religion des rafidah. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Ça c'est sans mentionner le fait que c'est des gens qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, et des idoles, et qu'ils adorent les morts, et qu'ils prient les saints, ou qu'ils prient les gens qui sont enterrés dans leur tombe. Hein? Et on les voit à Karbala et à Najaf et dans les autres villes des pays où il y a les chiites. Et où ils ont maintenant leur religion établie là-bas, comment ils ont pris les hommes et les morts comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sacrifient et égorgent des bêtes pour eux après leur mort, et comment ils construisent sur leur tombe des mausolées et des sanctuaires, et qu'ils vont se prosterner devant ces endroits-là. Ça, il n'y a pas de doute que tout ça, ça fait partie du shirk Al-Akbar, une forme de shirk majeure, hein, et que celui qui pratique ces formes de shirk-là n'a rien à voir avec l'islam, et qu'il fait partie des kuffars et des mushrikines. Hein. Donc tu vois aujourd'hui des musulmans qui défendent les rafidahs, qui défendent les shi'as, en se basant sur des causes nationalistes, ou sur des causes politiques, hein, pour dire il faut les supporter et les défendre, alors qu'ils détestent Ahl-Sunnah, et qu'il déclare les sahaba et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des prostituées, hein, et des choses de ce genre. Donc celui qui aime ceux qui traitent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prostituées et qui insulte les sahaba et qui invoque les gens en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des divinités, eh bien celui-là également il n'a rien à voir avec l'islam également. Et c'est triste en fait. C'est triste en fait de voir l'ignorance parfois de certains qui arrivent jusqu'à essayer de défendre ces gens-là. Hein? Parce qu'ils disent, il faut s'unir entre nous dans qu'est-ce qu'on est d'accord. Comment on peut s'unir avec des gens qui défendent des choses pareilles? Comment se comporter face à ces gens-là? Non. Qui ont des frères qui sont chez là? Non. On connaît les principes dans l'islam de Al-Wala ou Al-Bara, comment on doit agir avec des gens comme ça. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est dans une famille, puis qui a des membres de sa famille qui sont des chiites ou des soufis qui adorent les couburs. Parce qu'il y en a qui ne sont pas des chiites, mais qui ont les mêmes formes de bid'a et de shirk. Hein? Il y en a, leur père, il va à la tombe, ils adorent les morts. Il y en a d'autres, c'est leur mère ou leur grand-mère. La plupart des musulmans, ils ont quelqu'un dans leur famille qui pratique des formes de shirk, ou qui ont des croyances de shirk, ou des bid'a, ou des choses de ce genre. Et la première chose à faire avec des gens qui sont dans notre proche famille, c'est premièrement d'essayer de leur donner le da'wa, de leur faire comprendre l'islam, de leur faire comprendre que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils croient. Ça, c'est contraire à l'islam, contraire au principe du Coran et de la Sunna. Hein, et de leur faire, d'essayer de les ramener à la compréhension correcte de l'islam en leur présentant les preuves du Coran et de la Sunna. Il faut leur expliquer la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, leur clarifier la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis par la suite, s'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils n'acceptent pas, on continue jusqu'à ce qu'on voit que, inshallah, il n'y a plus rien à faire avec eux. Mais sinon, en attendant, on fait preuve de patience, on demande à Allah de les guider. Mais si vraiment il n'y a rien à faire, ben on coupe ces gens-là, c'est-à-dire on cesse de les fréquenter, puis de leur parler si on voit qu'il n'y a vraiment plus rien à faire avec eux. Parce que dans ce cas-là, si tu vois en particulier, si tu vois que ce sont parmi eux certains qui appellent les autres à suivre leur voie, ce sont juste des individus qui ont cette innovation-là en eux-mêmes et qui la gardent pour eux-mêmes et qui n'appellent pas les autres à le suivre, ceux-là sont moins dangereux que les autres. Mais celui qui est un da'ya, qui appelle les musulmans à suivre cette bid'a ou ces choses-là, ou ces formes de shirk et de kufr, dans ce cas-là, ceux-là, il faut les éviter. Et en particulier, s'ils ont des shubuhat et qu'ils savent bien, et ils savent argumenter, et qu'ils ont du jidal, ceux-là, il faut les éviter complètement, Parce que de toute façon, à ce niveau-là, quand ils sont arrivés à ce degré-là, eh bien souvent, il n'y a rien à faire pour les convaincre, parce que c'est des gens aveuglés et noyés, même ivres de leur innovation et de leur bédaïa. Peu importe ce que tu leur dis, ils ne vont pas vouloir l'accepter. Wallahu al-musta'an. Donc ça, c'est à ce sujet-là. Après, le cheikh dit, « فَمَنْ أَحَبَّهُمْ وَتَوَلَّهُمْ وَدَعَ لَهُمْ ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أغضبهم أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما نسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. لشيخ الزي celui qui aime les sahaba et qui s'allie à eux et qui fait des doua pour eux et qui respecte leurs droits et qui leur reconnaît leurs mérites, il sera de ceux qui ont eu le succès parmi ceux qui ont réussi. Toutefois, celui qui les déteste et qui les insulte et qui leur attribue ce que leur attribuent les chiites parmi les rawafid ou bien les khawarij, eh bien ceux-là ils périront comme ceux qui ont péri. Et il dit ensuite, comme preuve pour supporter ça, différents hadiths qu'il mentionne. Il dit وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. Et à ce sujet-là, toutefois, cette partie-là, elle est daïf. Ça, c'est daïf. Mais la première partie, elle est sahih. Mais la deuxième partie, elle n'est pas authentique. Donc, la première partie qui dit « La tasubbu ashabi », ça, c'est rapporté dans un hadith authentique. Mais la deuxième partie, « Faman sabbahum fa'alayhi na'anatullah », ça, c'est pas authentique. Toutefois, il y a un autre hadith qui dit « La tasubbu ashabi », c'est ça la partie qui est authentique. « La tasubbu ashabi », فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. N'insultez pas mes sahaba, parce que par Allah, celui qui détient mon âme en sa main, hein, si l'un d'entre vous dépensait la quantité d'or comme Uhud en sadaqa, ben vous, ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de main d'or que l'un d'entre eux, ou même la moitié d'une poignée de main d'or que l'un d'entre eux parmi les sahaba donnait en sadaqa. Le sahaba, il donne une moitié de poignée de main, ou bien une poignée de main en or, lui il donne ça, toi si tu donnes une montagne d'or, ça vaut même pas la même chose que la poignée de main d'un sahaba. Une poignée de main du sahabi, il a plus de valeur dans la balance pour Allah subhanahu wa ta'ala que ta montagne en or que tu donnes en sadaqa. Ça, c'est le droit et le mérite et le statut et l'importance que les sahaba ont et comment ils ont une place élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui es-tu pour insulter les sahaba? Après, il dit « Wa qala wa man ahabbahum » فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله. ساسي أخرجه البخاري في التاريخ وأحمد في مسنده. قلت على فين زي après avoir mentionné toutes les références du hadith, il dit وإسناده ضعيف, il dit que sa chaîne de narrateur est ضعيف. نعم. Donc, à ce sujet-là, ça, c'est pas un hadith. Mais après, il dit, وَقَالَ Ibn Hajar فِي التَّقْرِيبِ, à propos d'un des narrateurs qui est dans la chaîne, qui est faible, il dit, مَقْبُول يعني حِينَ يُتَابَعْ وَإِلَّا فَلَيِّن. Qu'est-ce qu'il dit, Abu Talha, dans ta version? Ah oui, c'est ça. Donc, il est ضعيف. C'est celui-là, le hadith que j'ai mentionné à la fin, qui dit celui qui les aime, c'est-à-dire celui qui aime les sahaba, alors c'est comme s'il les aimait par mon amour, et celui qui les déteste, c'est comme s'il les détestait, c'est comme s'il me détestait moi. S'il les aime, c'est comme s'il m'aimait, et s'il les déteste, c'est comme s'il me détestait. Et celui qui leur fait du mal ou qui leur nuit, eh bien c'est comme s'il m'a fait du mal à moi, et celui qui les insulte, eh bien, ils auront la malédiction d'Allah. Et ce hadith-là, comme Cheikh Al-Albani l'a déclaré, da'if. Ok. Ensuite, le Cheikh, il dit, « As-salatu khalf al-barri wal-fajir. » Ah, ok. Oui. « As-salatu khalf al-barri wal-fajir. Wal-jihadu ma'ahuma. » Là, on rentre dans un autre point. Et c'est-à-dire que on doit, ou bien le musulman, il va faire la salat derrière le dirigeant des musulmans, l'imam des musulmans, qu'il soit pieux ou qu'il soit parmi les pécheurs, parmi les musulmans. Et on fait le djihad avec le dirigeant, qu'il soit pieux ou qu'il soit parmi les pécheurs. Il dit, وَيَرَى أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الْجُمُعَ وَالْعِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا جزاك الله خيرا أخي. ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة وفجرة, ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية, ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف, ويرون قتال الفئة البارية hatta tarji'u ila ta'ati l'imam al-adl. À propos des sahaba, comme avant de terminer de parler de cette question-là, il y a un dernier point important aussi à mentionner. C'est que lorsque les rafida attaquent les sahaba, hein, ou bien les khawarij, parce qu'ils attaquent certains parmi les sahaba, parce qu'on sait que les khawarij, ils ont tué Uthman ibn Affan, hein, ils ont tué Uthman ibn Affan, ils ont tué Ali ibn Abi Talib, et ils ont tué plein parmi les sahaba, les khawarij. Ils ont déclaré kuffar, et les rafida la même chose. Donc, le but des Rafida, en fait, quand ils attaquent les Sahaba, c'est parce qu'ils veulent détruire le seul lien qui existe entre nous et la révélation d'Allah. Parce que c'est qui nous a transmis le Coran? C'est qui est-ce qui nous a transmis le Coran et la Sunna? C'est les Sahaba. Donc, si tu dis que les Sahaba sont pas bons, ou qu'on doit pas les accepter, ou accepter ce qu'ils ont dit, ou croire qu'ils sont correct. Eh bien, c'est comme si tu détruis maintenant tout ce qui nous a été ramené de la Sunna et même du Coran, parce que le Coran a été ramené par les Sahaba également. Hein? Et donc, si tu attaques leur honnêteté et leur fiabilité, eh bien, c'est comme si tu rejettes en même temps la révélation en entier. Et c'est ça même le but de ces gens-là, d'égarement. Ok, donc c'est très important de comprendre que l'intention de ces gens-là, c'est pas juste comme ils prétendent de défendre, comme ils disent, ils veulent défendre Ahlul Bayt. Hein? Mais en réalité, c'est une façon de se cacher pour attaquer l'islam et détruire même l'islam à partir de la base. Ok? Donc faites bien attention à ces gens-là, yani, qu'ils appellent à ce qu'ils prétendent appeler, parce que c'est des gens de dalal. Après, donc, maintenant, le chef, il dit que les gens de Ahlul Hadith, ils considèrent qu'il faut ou qu'on doit prier les Jumu'ah et les Eid, les prières de Eid, et les autres prières, parmi les prières obligatoires, derrière tout imam musulman. Peu importe que ce soit un musulman qui soit pieux ou qu'il soit pervers, c'est-à-dire qu'il ait fait des péchés. Hein? Ça, c'est la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et ça, vous trouvez ça dans la plupart des livres d'Aqidah des Salafs, ils mentionnent toujours ce point-là, parce que ça fait partie des articles des fondements de leur Aqidah. Et ils considèrent que on doit faire le djihad contre les kuffars avec eux, avec les dirigeants, hein, pas tout seul, pas des petits groupes qu'on s'organise comme à 4 et 5, puis on dit on va faire le djihad, comme les gens d'aujourd'hui qui font des jama'at pour attaquer soi-disant les kuffars. Ça, c'est des groupes de khawarij, des groupes de gens d'ignorance. Le djihad, ça se fait avec le dirigeant des musulmans, hein, derrière leur commandement. Donc, les dirigeants des musulmans, ce sont ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont le contrôle des affaires politiques et autres dans le pays. C'est pas des gens qui se désignent eux-mêmes représentants des musulmans ou représentants de la Ummah, ou qui se font un petit groupe et qui font un vote pour s'élire un émir ou un amir pour dire oh, c'est toi qui vas être notre chef, et puis après ils disent bon ça y est, c'est toi le responsable de la Ummah, Amir al-Mu'minin. Non. Et le dirigeant des musulmans, il est Amir al-Mu'minin même s'il fait des péchés, même s'il ne respecte pas tous les aspects 100% de la charia. Il est quand même le dirigeant des musulmans, il est quand même Amir al-Mu'minin, et on doit l'obéir dans le bien, tant qu'il ne nous ordonne pas de faire un péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça dans des dizaines et des dizaines de hadiths authentiques. Ok? Donc le cheikh, il dit que on doit faire les salawats derrière tout imam musulman. Un dit musulman, ça c'est clair, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit un kafir. Ok? Et après, il dit, même s'il fait des péchés, ou qu'il soit pieux, tu dois faire la prière derrière lui. Et la même chose pour le djihad. Même si c'est un pécheur, une personne injuste, qui fait de l'injustice, hein, tu dois le faire derrière lui. Tu dis pas, ah non, il fait des péchés, je l'obéis pas ou je l'écoute pas. comme certains ont cette idée-là. Et ça, c'est contraire au manhaj des salafs, et au contraire, contraire à la voie du Coran et de la Sunna et de la compréhension des sahaba et de ceux qui les ont suivis dans l'islam par la suite, parmi les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Après, il dit, ouais, il faut, et les gens de Ahlus Sunnah et les gens du Hadith, ils considèrent qu'il faut faire le dua pour les dirigeants des musulmans. Et demander à Allah de les corriger, de les réformer pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'il leur donne le succès et qu'il leur donne la, disons, la piété et qu'ils deviennent meilleurs. Hein. Pas comme les musulmans ou certains musulmans aujourd'hui qui vont aller sur le minbar et qui vont commencer à envoyer des duas pour maudire le dirigeant ou pour l'insulter sur le minbar ou pour souhaiter envoyer sur lui la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et quand ils font ça, qu'est-ce que ça amène comme résultat? Ça amène comme résultat que le dirigeant devient encore pire, que s'il était mauvais, il devient encore plus mauvais. Hein? Alors au lieu de faire ça, comme le cheikh il explique que la position de Ahl Sunnah c'est le contraire, de demander à Allah de corriger ce dirigeant, de le rendre meilleur, hein? Et de le rendre correct s'il fait des péchés, de le guider au droit chemin. S'il fait des bid'ah, de le ramener à la sunna, etc. Comme l'imam Ahmad a fait durant la période des Mu'tazila, lorsque les Mu'tazila étaient au pouvoir, il a été patient, il a enduré, et il a fait des du'as pour le dirigeant. Et ça a été rapporté même qu'il a dit que si je savais que j'avais un seul du'as qui devait être exaucé, je l'aurais gardé pour le dirigeant. Hein? Donc ça c'est un bon exemple. Après ça, il dit, et on considère qu'on ne doit pas prendre les armes pour se rebeller contre le dirigeant, ou prendre pour les disputer leur autorité, ou pour prendre le pouvoir. Même si tu vois de leur part des choses qui sont contraires à la justice, et que tu vois qu'ils tombent vers l'injustice et la corruption ou d'autres formes de mal. Donc il y a des gens qui ont été inspirés ou influencés par toutes sortes d'idéologies, parmi les idéologies des chrétiens, des juifs ou des laïcs, soit des idées de démocratie, de laïcité, ou bien des idées de socialisme, qu'il faut combattre l'injustice à tout prix et se révolter, et puis manifestation ou d'autres trucs pour montrer que on est plus fort que le dirigeant ou des choses de ce genre. Tout ça c'est contraire à la religion d'Allah, tout ça c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et la caractéristique des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a et des gens du Hadith, c'est que lorsqu'ils trouvent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une ayah dans le Coran ou quelque chose qui fait partie du Coran et de la Sunna en général, ils s'arrêtent à ce qu'ils trouvent dans le texte. Et ils ne cherchent pas à le détourner ou à le déformer. Et il y a des frères, mashallah, alhamdoulilah, quand c'est des questions de al-asma wa sifat, quand c'est des questions de tawhid, ils ont compris ces aspects-là, ils ont accepté à 100%, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème avec eux, quand tu discutes là-dessus, mashallah. Mais quand tu commences à rentrer dans les affaires de ce genre, qui ont rapport avec les questions politiques, hein, là tu vois qu'ils veulent essayer de prendre un autre chemin que le chemin d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Pourquoi vous voulez accepter un aspect de la aqidah des salafs et les autres aspects de la aqidah des salafs? Vous commencez à déformer les hadiths, vous commencez à changer, commencer à essayer de dire non mais ça c'était les hukam avant, c'est pas aujourd'hui, ça s'applique plus aujourd'hui, des choses de ce genre, hein? Donc ça c'est des gens qui veulent, encore une fois, ils veulent essayer de faire le ta'wil des hadiths, non pas à propos des noms et des attributs d'Allah, mais à propos de la relation entre le dirigeant et le peuple, comment on doit agir envers eux et avec eux, hein? Et ça montre qu'ils ne se sont pas soumis entièrement à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont soumis à leurs désirs et à leurs passions. Quand ils ont trouvé que le hadith est en accord avec leurs désirs, ils l'ont suivi. Mais quand ils ont trouvé que le hadith est en contradiction avec leurs désirs, ils ont dit, on suit nos désirs et on laisse le hadith. Et ça, c'est la caractéristique de qui? C'est la caractéristique d'Ahlul Ahwa, les gens de Bid'a, pas la caractéristique des gens d'Ahlul Sunnati wal Jama'a. D'accord? Donc ça, c'est pour vous faire comprendre ce point-là, parce que c'est très important de le comprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par des idéologies et des idées ou des principes qui sont contraires aux principes d'Ahlul Sunnati wal Jama'a. Et retournez aux paroles des imams d'Ahlul Sunnati wal Jama'a du passé et du présent, et vous allez voir qu'ils sont tous d'accord sur ce point-là que j'ai mentionné aujourd'hui. Et ceux qui sont contre ces principes-là, vous les trouverez pas parmi les ulama, et vous les trouverez encore moins parmi les gens de Ahlus Sunnah wal Jamaa. Donc pour terminer, le cheikh il dit que les gens de Ahlus Sunnah wal Jamaa, ils voient que ils combattent les gens qui s'opposent aux dirigeants, al-fiatul bariya, les gens qui se sont rebellés contre les dirigeants, ils retournent, ils croient qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'obéissance et à l'ordre du dirigeant. Ok? Donc ça c'est parmi des exemples, parmi les principes. Et les hadiths qui parlent de ces exemples-là sont nombreux et nombreux dans la sunna. Hein? On peut y aller en citer une vingtaine, même une trentaine, et puis on n'aura pas fini encore de tous les citer. Tellement c'est, non seulement c'est juste, parce que c'est ça la différence des fois entre les questions qui font partie de la sunna, on entend des hadiths dans certains chapitres de hadith, un hadith ou deux. Mais quand on voit que dans le même domaine, ou dans le même chapitre, il y a une vingtaine, une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine de hadiths qui répètent toujours le même principe, ou la même idée, là ça devient pas juste une citation, ça devient plus encore, ça devient comme un principe, ça devient un fondement. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont mentionné ces principes-là dans les usul d'Ahlus Sunnah, dans les fondements d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, parce que c'est devenu des piliers, des bases dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam.